Chapitre 2e. L'attaque de la ferme de Ruby Creek. La ferme de Buffalo Bill, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, était située sur le Ruby Creek, petite rivière qui avait assez d'eau pour rendre l'approche de la propriété à peu près impossible aux ennemis de ce côté-là. Derrière s'élevait un petit bois qui embrassait mollement le domaine de Buffalo Bill des deux autres côtés. La maison d'habitation était construite en troncs d'arbres comme elles le sont dans l'Ouest américain. Elle avait de petites fenêtres et un très grand nombre de meurtrières, et elle était assez spacieuse non seulement pour loger convenablement Buffalo Bill et sa famille, mais aussi pour lui permettre d'y mener, dans une certaine mesure, la vie patriarcale qu'il aimait, entourée de tous ses gens. Ceux-ci habitaient des maisonnettes construites de la même manière, en troncs d'arbres, toutes très rapprochées du bâtiment principal occupé par la famille Cody. À une portée de fusil environ de la maison, il y avait dans le Ruby Creek un endroit qui se desséchait un peu en été. Il s'y formait un gué. Aussi Buffalo Bill y avait élevé une sorte de fortification comme une tour de guet d'où l'on découvrait tout le pays de sorte qu'il n'était pas possible aux Indiens de s'approcher sans être aperçus aussitôt. Après une bonne chevauchée de 2 heures, Buffalo Bill et ses gens arrivèrent au Ruby Creek. Comme toujours lorsque les hommes revenaient à la maison, les femmes et les enfants attendaient près du cours d'eau. L'accueil fut joyeux et cordial. Les deux Miss Cody embrassèrent tendrement leur frère, qui raconta très brièvement l'aventure d'Alice Enfield. Frank Stark dit bonjour à sa Kitty, aimable Irlandaise qui, comme tant de filles de l'île nébuleuse, était en possession d'une splendide chevelure rousse. Buffalo Bill échangea un coup d'œil amical et une poignée de main avec une jeune Allemande nommée Marie, qui, en qualité de première servante, faisait la besogne du ménage, et Tom Towners paraissait ne pas pouvoir se rassasier de la vue de sa Lottie, sa ravissante petite femme, plus jeune que lui de 25 ans au moins, et qu'il aimait de tout son cœur. Lottie était d'une beauté tout à fait frappante, avec ses cheveux noirs qu'elle portait en lourds bandeaux tombant le long de ses joues et les beaux grands yeux qui animaient son rose visage. « Enfant !» s'écria Buffalo Bill qui regardait le ciel en hochant la tête. « Je crois que nous ferons bien de rentrer tout de suite à la maison, car ça ne peut pas tarder beaucoup, il va y avoir un orage. Le soleil est couché, mais aucune étoile ne s'allume au ciel, et rien ne relève ni n'éclaire le sombre manteau de la nuit. » « Mais le souper vous attend dans la grande salle, » dit Miss Cody. « Allons, Marie, courez servir. »« Ah, nous autres, femmes de l'Arkansas, nous sommes heureuses quand nous tenons dans nos bras nos hommes, frères ou époux, indemnes et bien portants, et qu'ils peuvent nous montrer qu'aucune balle ne leur a troué la peau. » Au milieu d'une joyeuse conversation, on s'assit à la table, qui était chargée de mets simples mais appétissants. Ils furent bientôt dépêchés et firent place à de grands plats, pendant qu'une agréable odeur de rôti emplissait la salle. Tout à coup, un sourd roulement de tonnerre se fit entendre dehors. Les fenêtres commencèrent à cliqueter et les murailles de bois de la maison à gémir. « Voilà l'orage !» s'écria Buffalo Bill en se levant pour aller à la fenêtre. « Les éclairs fendent déjà les nuages, et notre Ruby Creek a aussi son mot à dire. Entendez-vous comme il mugit ? Par Dieu, je crois que nous allons voir une jolie tempête, et qu'il ne faut pas penser beaucoup à dormir cette nuit. » « Mais avis que ce n'est pas cela qui doit nous couper l'appétit !» s'écria Tom Towners. « Que nous importe une bouffée de vent ? Par des temps pareils, nous avons souvent, pendant la Grande Guerre, couché sur la terre nue, pendant qu'au-dessus de nous les arbres craquaient terriblement au vent. Plus d'un de ces géants, qui ne pouvait plus résister à l'assaut, est tombé, se fracassant à côté de nous, de telle façon que nous nous croyons réduits en bouillie. Mais ils ont toujours été assez raisonnables pour n'atteindre personne. » La petite Edna, la fille de Frank Stark, commença alors à pleurer. Elle avait peur du vent hurleur qui ébranlait la maison. « Tiens-toi tranquille, fillette !» cria Frank Stark. « Tu es une enfant de l'Arkansas, et tu ne vas avoir peur de l'orage. Il y a assez d'autres orages dans la vie devant lesquels on peut trembler, et qui ne t'épargneront pas plus que les autres. »« Laissez-la pleurer !» dit la mère en la prenant sur ses genoux. Soudain, sous une rafale violente, la porte s'ouvrit, et en même temps un éclair éblouissant illumina la campagne. À sa lueur jaune et sulfureuse, la petite compagnie assise à table aperçut dans le chambranle de la porte une haute et maigre figure. C'était Hankins, le sang mêlé. de ses cheveux noirs et luisants qui encadraient un visage jaunâtre, la plus dégoûtée aussi bien que de son poncho, lorsqu'il enleva son grand sombrero de feutre, des rigoles d'eau coulèrent sur le seuil de la porte. Personne de la compagnie ne parut particulièrement charmé à la vue du métis. Il ne jouissait pas d'une grande sympathie à Ruby Creek, mais les lois de l'hospitalité défendaient à Buffalo Bill de renvoyer de sa demeure, par ce temps de chien, un homme qui demandait un abri. D'ailleurs, personne ne pouvait dire de façon précise et certaine du mal de Hankins. Seulement, comme sans mêler, il n'était pas extrêmement bien vu. C'était le fils d'une belle indienne Cheyenne et d'un blanc. Il avait fréquenté les écoles et il jouait du violon comme un maître. Il possédait aussi des connaissances médicales, et à l'occasion, il se rendait utile à défaut de médecin. Néanmoins, les hommes le méprisaient parce que c'était un sans mêler et les femmes redoutaient ses yeux qui les regardaient si rarement. « Approchez-vous, Hankins !» cria Buffalo Bill après une courte hésitation. « Fermez la porte, que nous ne recevions pas la tempête en même temps que vous !» Hankins fit ce qu'on lui demandait et se rapprocha vivement de la table, disant d'une voix qui semblait vibrante d'émotion « J'apporte une mauvaise nouvelle. J'ai rencontré le vieil Enfield qui s'en retournait à l'agence avec sa fille Alice. Ils m'ont dit que Buffalo Bill avait sauvé la jeune fille des mains de Jack Carters. » Mais après avoir pris congé et fait une demi-heure de chemin, j'ai rencontré Jack Carters avec toute sa bande. « N'as-tu pas vu le vieil Enfield et sa fille Alice ?» me demanda-t-il. « Si tu veux gagner de l'argent, viens avec nous. J'enlèverai la fillette au vieux, et ce que nous trouverons dans son portefeuille t'appartiendra pour la part, Hankins. » Je répondis au coquin que j'avais en effet rencontré Enfield, mais je lui indiquai une fausse direction, puis je me suis arrangé pour m'échapper. Maintenant, je pense que l'orage qui a si subitement éclaté aura complètement renversé le plan criminel de Jack Carters, car par un temps pareil, il n'est pas possible de voyager à cheval sur la prairie, et encore bien moins de découvrir deux créatures humaines dans cette immense plaine herbue. Buffalo Bill avait écouté avec une grave attention le récit de Hankins. Il hocha la tête et dit « Je suis de votre avis, Hankins. Par le mauvais temps qu'il fait, Jack Carters aura perdu toute envie de suivre Enfield et Alice à la trace. Mais asseyez-vous près de nous, mangez et buvez. » Modestement et sans bruit, le sang mêlé prit place à table au babou où il se trouva à côté de Lottie, la belle femme de Tom Towners. Tout le temps qu'il mangea, il n'échangea pas une parole avec elle, mais de temps en temps il levait son regard de son assiette et alors il le posait avec une singulière expression d'ardeur et de désir sur le beau visage de la jeune femme. Dehors, la tempête faisait rage. Les éclairs succédaient aux éclairs. Le tonnerre éclatait et roulait sur la prairie si longuement que le bruit de chaque coup durait une minute. Le vent tournoyait en hurlant autour de la maison, comme s'il voulait la déraciner. Mais Buffalo Bill n'avait point d'inquiétude sous ce rapport. Il savait que la maison était bien bâtie et qu'elle avait résisté déjà à bien des tempêtes. Peu à peu, le calme revint avec une éclaircie. À ce moment, la porte s'ouvrit et deux cow-boys entrèrent, qui tous les deux appartenaient à la ferme. Ils avaient nom Don Tieman et Sim Graves. « Voilà de bons danseurs !» s'écria Hankins le sang mêlé. « Je vais prendre mon violon et jouer. Pourquoi ne danserions-nous pas quand il fait dehors du tonnerre et des éclairs ?» C'est la meilleure manière que nous ayons, nous autres hommes, de dire leur fête aux éléments. » Sa proposition fut acceptée sans peine. Aussitôt, il tira son violon d'un sac qu'il tenait suspendu en bandoulière et il s'installa par terre, non loin de la porte. La table fut vivement poussée dans un coin et hommes et femmes se mirent à danser. Mais ce plaisir innocent ne fut pas de longue durée. « Ce n'est pas un coup de tonnerre, cela !» s'écria soudain Buffalo Bill d'une voix forte qui domina le joyeux tapage. « Attention, vous tous, faites taire le violon. Hankins, j'ai entendu des coups de feu. » « Est-ce que les Cheyennes risqueraient une attaque ?» dit Joe Bevins, le petit caporal. « C'est au crédit des gredins rouges qu'ils ne se laissent pas retenir par ce temps de chien quand ils sentent le besoin de cueillir des scalps. »« Au secours ! Miséricorde de Dieu ! Mon enfant ! Sauvez-nous, je suis blessé !» « Je veux perdre mon nom de Buffalo Bill, » dit Cody, « si ce n'est pas la voix du vieux Enfield. »« C'est elle !» s'écria Miss Cody, très effrayée, et montrant du doigt la porte. « Là, là, le voilà lui-même !» En effet, La porte s'était violemment ouverte et un homme souillé de sang, tremblant de tous ses membres, pénétrait en chancelant dans cette salle, tout à l'heure séjour de la gaieté, et où régnait maintenant le silence de l'effroi. Buffalo Bill rompit ce silence le premier. « Enfield, c'est vous ? Au nom de Dieu, qui vous avez mis si mal en point ?» Le vieil Enfield s'affala en gémissant sur un siège qu'on avait apporté près de lui, au milieu de la chambre. « Les coquins ! » geignait-il en tendant son bras droit qui n'était pas blessé, et en fermant le poing. « Les coquins me sont tombés dessus. Jack Corters et sa bande, mes cavaliers qui m'escortaient, ont été tués. Alice, ma fille, ils m'ont enlevé. Moi-même, je suis blessé au bras gauche, dans l'eau. Ah, donnez-moi de l'eau, seulement une goutte d'eau. » Aussitôt, 10 mains furent prêtes à lui présenter un cordial. « Où l'attaque s'est-elle produite ? » demanda Buffalo Bill lorsqu'Enfield eut bu. « Pas bien loin de votre maison, » répondit le blessé. « Nous nous étions trompés, comme il n'est guère possible de faire autrement par un temps pareil. Au lieu de prendre la direction de l'Arkansas, nous marchions dans les ténèbres et sans le savoir vers le Ruby Creek. » Tout à coup, Buffalo Bill s'écria. « Ah, les voilà déjà. Les entendez-vous dehors ? Ils veulent attaquer la maison. » Un cri sauvage s'éleva, des coups de feu retentirent, plusieurs carreaux de vitres tombèrent dans la salle avec fracas, et dehors on apercevait les silhouettes des voleurs. « Aux armes ! » cria Buffalo Bill d'une voix de tonnerre. « Chassons ces chiens ! Ah, Jack Corters, tu te risques sur mes terres, tu y trouveras ton tombeau !» Il y eut un instant de confusion. Les hommes saisirent leurs fusils et coururent aux fenêtres et aux meurtrières pour tirer sur les bandits. « Don Tieman, Sim, à la porte !» ordonna Buffalo Bill. « Ayez soin qu'aucun de ces gaillards ne pénètre ici. »« Pas avant que nos corps soient changés en crible !» répondit Sim Graves en se plantant devant la porte avec Don Tieman. Buffalo Bill s'était posté à la fenêtre du milieu. Coup sur coup, il déchargeait sa carabine, et chaque fois qu'elle parlait de sa voix d'airain, un ennemi frappé tombait à terre. Les autres faisaient aussi leur devoir. Ils tiraient bien, et Jack Corters dut s'apercevoir qu'il se briserait inutilement les dents aux solides murailles de cette maison. D'assez loin, il cria à Buffalo Bill. « Nous finirons de régler nos comptes une autre fois. Je ne vous tiens pas quitte. Encore une balle, la dernière est peut-être la bonne. » Un coup de feu résonna. La balle passa en sifflant à un pouce au-dessus de la tête de Buffalo Bill et... Un cri lamentable se fit entendre et une voix sanglotante s'écria « Mon enfant ! Ils ont massacré mon enfant !» C'était Kitty Mulden qui donnait cours à son désespoir. Elle tenait la petite Edna dans ses bras pour la garantir des balles qui pénétraient dans la salle et il avait fallu que le dernier coup tiré par ce misérable Jack Corters vint en déviant frapper la petite fille. Pauvre petite Edna. Elle gisait sanglante dans les bras de sa mère et paraissait devoir mourir d'un moment à l'autre. Il était difficile de retenir Frank Stark. Il voulait courir après les bandits qui avaient commencé leur mouvement de retraite et les poursuivre tout seul à pied. Ce ne fut qu'à grand-peine que Buffalo Bill lui fit comprendre qu'il ne devait pas s'aventurer seul hors de la maison s'il ne voulait pas s'offrir lui-même en victime aux voleurs. Mais même alors, il ne se tint pas pour battu. « Qui vient avec moi ? » cria-t-il. « Il faut courir après eux. Je veux venger mon enfant, ma pauvre enfant. Laissez-moi. Il le faut. M'en coûterait-il la vie ?» Il se précipita dehors. Les premiers qu'ils suivirent furent les deux cow-boys qui avaient monté la garde à la porte et peut-être voulaient-ils surtout le ramener. Après une courte hésitation, Buffalo Bill résolut de se porter en hâte avec les autres au secours de Frank. Avec des sanglots déchirants, Kitty Mulden conjura Buffalo Bill de lui sauver du moins son mari, elle qui avait déjà perdu sa fille. Il ne resta donc dans la salle que les femmes et les enfants, tous s'occupaient autour de la petite Edna qui avait reçu une balle dans la poitrine. « Apportez de l'eau fraîche !» s'écria la pauvre mère au désespoir, « pour que je lave le sang et que je puisse panser la plaie. » On découvrit alors qu'il n'y avait plus d'eau dans la maison, à plus forte raison, pas d'eau fraîche ni pure. Aussitôt Lottie se déclara prête à aller en chercher à la rivière. Elle prit donc une cruche et sortit hâtivement dans la nuit. Pas bien loin encore, elle entendait les voix des hommes qui s'efforçaient évidemment de persuader Frank Stark de retourner. Sans doute la bande de Jack Corter s'était déjà dispersée dans toutes les directions car on ne tirait plus de coups de fusil. Sans aucune crainte, la petite Lottie se hâtait vers le cours d'eau. Arrivée sur le bord, elle se baissa et remplit sa cruche. Au moment où elle voulut se relever, elle se sentit enlacée par deux bras nerveux. Elle allait jeter un cri d'alarme, car sa seule idée était qu'elle était tombée aux mains de Jack Quarters et de sa bande, et se croyant perdue, elle voulait du moins avertir ses amis lorsqu'une voix bien connue lui murmura à l'oreille. « Je ne suis pas un ennemi, je suis un ami, votre ami, Lottie, je vous aime. » Lottie renversa en arrière sa tête aux tresses brunes et son regard tomba sur le visage blême et bouleversé par la passion de Hankins, le sang mêlé. « Je vous aime !» répéta le métis en la pressant contre lui. « Vous devez le savoir depuis longtemps que je vous aime. Laissez-la à Tom Towners, qui ne peut pas vous rendre heureuse. Venez avec moi, je ferai tout pour vous, je vous donnerai le bonheur, les richesses, je... « Laissez-moi !» cria Lottie en se dégageant de ses bras par un mouvement souple et rapide. « J'aime mon homme et pas d'autre. Pour vous, je vous méprise. » Hankins poussa un cri de rage, mais Lottie était déjà en route pour la maison. Ce métis d'Indien savait à merveille commander à ses sentiments. Avec la rapidité de l'éclair, l'expression de sa physionomie changea, l'ardeur sauvage de la passion disparut de ses traits, et lorsqu'il se mit à marcher à côté de Lottie et à refaire avec elle le chemin de la maison, il paraissait se repentir de ce qu'il avait fait. « Si vous ne pouvez pas m'aimer, » murmura-t-il à la jeune femme qui ne l'honorait pas d'un regard, « vous tairez-vous du moins sur ce que je vous ai dit ?»« Je me tairai, » répondit Lottie. « Non pour vous, Hankins, qui mériteriez que mon homme vous donnât son poing sur la figure, mais parce que je ne veux pas ajouter au désespoir qui règne en ce moment à Ruby Creek. » Vous pouvez rester à la ferme cette nuit, mais si vous vous montrez encore sur les terres de Buffalo Bill, je parlerai et l'on vous châtiera. » Et d'un pied leste, elle courut à la maison, poursuivie par la voix sourde du métis qui lui disait « Pour cette nuit, vous voulez bien me supporter dans votre voisinage? Cela me suffit. Cette nuit même, je saurai me rendre utile. » Quelques minutes plus tard, complètement calme et maître de lui, Hankins entrait dans la grande salle commune, où les femmes entouraient toujours la petite Edna en gémissant. « La petite est blessée, » fit Hankins en s'approchant du lit improvisé sur lequel on avait couché l'enfant. « Laissez-moi voir, vous savez que je suis médecin. » Les femmes le laissèrent examiner Edna, à qui il fit un pansement avec l'habileté d'un praticien consommé. « Je crois que l'enfant vivra, » dit-il, tourné vers Kitty Mulden, qui lui envoya, pour ses paroles, un coup d'œil reconnaissant. « Mais elle a besoin avant tout de repos, et elle ne sentira plus de douleur. Écartez-vous, je vais faire du repos pour la pauvre petite Edna. » Alors il prit la main de l'enfant, se pencha sur elle, la regarda dans les yeux et dit d'une voix basse mais pénétrante et dominatrice « Dors, petit enfant, je veux que tu dormes. Dors paisiblement. » Ensuite il lui promena sa main plusieurs fois sur le front et les joues, et voilà que les yeux de la petite se fermèrent, que sa respiration devint plus calme, et que cet enfant grièvement blessé parut être profondément et solidement endormi. « Est-ce un sorcier ?» demanda Marie, la servante allemande de Miss Cody. « Comment a-t-il pu faire venir si vite le sommeil à la pauvre enfant ?»« Il s'entend en hypnotisme, » répondit Miss Cody. « Il y a des hommes qui savent si bien poser leur volonté aux autres que ceux-ci tombent endormis dès que l'hypnotiseur les regarde. » « Ah ! » s'écria Marie en se secouant comme pour s'assurer qu'elle était en possession d'elle-même. « Ce n'est pas moi qui donnerai jamais la main à un homme semblable, ni qui resterai seul avec lui. Un homme qui pourrait faire de moi tout ce qu'il voudrait. Non, non. À partir d'aujourd'hui, je ne me trouverai pas sur le chemin de ce Mr. Hankins. » « Et vous ferez bien dans tous les cas, » répondit sa maîtresse Miss Cody. Elle ajouta comme la porte s'ouvrait. « Ah, voilà nos hommes de retour. » Ils étaient de retour en effet, mais tristes et abattus. Ils rapportaient un mort. Don Tieman, le cow-boy, avait au dernier moment reçu une balle des bandits. Elle lui était entrée au milieu du front et avait déterminé la mort immédiate. L'autre cow-boy, Sim Graves, était blessé, et non pas légèrement, il avait une balle dans l'épaule droite. Tout le monde déplora le sort du pauvre Don Tieman. Frank se faisait de violents reproches d'avoir causé par sa précipitation la mort de ce brave jeune homme. « Calmez-vous, mon ami, » lui dit Buffalo Bill en lui mettant la main sur l'épaule. « C'est la destinée d'un homme du Kansas. Moi aujourd'hui, toi demain. Il est tombé en brave. Maintenant, il faut absolument faire venir un médecin. Peut-être Hankins voudra-t-il atteler deux bons chevaux à mon léger boguet et courir chercher le docteur. Mais Strandfield a besoin de lui et aussi le brave Graves et cette pauvre enfant. Le métis déclara qu'il était tout prêt. « Je vais atteler le boguet, » dit-il en marchant vivement vers la porte. Sur le seuil, il se retourna, le temps de jeter un coup d'œil rapide à Lottie, un coup d'œil où luisait un diabolique triomphe.